La princesse aux jupes mouillées par André Theuriet. De même que parmi les paroles dégelées, ouïes en haute mer par Pantagruel, il y avait des mots de gueule, des mots d'azur et des mots dorés, il me semble qu'il y a aussi des contes de saveurs et de nuances diverses, selon les saisons, des contes ensoleillés et brasillants pour les jours d'hiver, des contes frais comme rosés pour les mois d'été. En voici un, que j'ai recueilli sous les noyers d'un lac de Savoie et qui m'a paru, avec son susurrement d'eau courante, merveilleusement approprié à la lourde touffeur de ces dernières journées d'orage. Il y avait une fois, aux environs d'Annecy, un riche bourgeois possesseur d'une maison avec un verger bien affruité, descendant jusqu'aux berges du lac. En ce verger se trouvait un cerisier de bigarreau appétissant et juteux. Seulement, chaque année, lorsque le bonhomme se pourléchait déjà à l'idée de récolter des cerises mûres, il arrivait que, dans la nuit, un maraudeur subtil dévalisait le cerisier et ne laissait au propriétaire que les noyaux. Ce bourgeois avait deux garçons, Henriot l'aîné et Maurice le cadet. Très marri de perdre tous les ans sa récolte de bigarreaux, il chargea, un soir de juin, son aîné de passer la nuit en sentinelle près du cerisier. Mais Henriot, qui était gros dormeur, sentit vers la pointe de minuit ses yeux s'alourdir, et quand, au fin matin, il s'éveilla, les bigarreaux mûrs avaient encore une fois disparu. L'année d'après, à la même époque, Morisset, le cadet, fut désigné pour faire bonne garde. Il avait du sang d'écureuil dans les veines. De plus, il était amoureux d'une jolie fille du voisinage, nommée Denise, et il tint ses yeux d'autant mieux ouverts qu'il se proposait le lendemain d'offrir un panier des plus belles cerises à sa fiancée. Or, vers la minuit, la lune étant en son plein, voici qu'il vit s'agiter l'herbe haute et distingua un énorme serpent aux yeux brillants comme des émeraudes qui rampait vers le cerisier. Au moment où la bête s'enroulait déjà autour de l'arbre, le jeune homme lui décocha une flèche qui alla tout droit se ficher dans l'un des yeux d'émeraude. Le serpent jeta un cri de douleur, puis battit en retraite. Aux premières blancheurs de l'aube, Morisset constata que l'herbe était tachée de sang. Il appela son frère Henriot, et tous deux, suivant dans le pré les traces sanglantes, atteignirent la berge du lac. « La bête a dû plonger dans l'eau, » dit Morisset à son frère, « mais je la rattraperai, morte ou vive. » Il se fit nouer une corde sous les bras et annonça à Henriot qu'il voulait descendre jusqu'au fond du lac. « Toi, » ajouta-t-il, « attends-moi sur la berge et quand tu verras la corde remuer, remonte-moi vivement. » Fait et dit, il se laissa choir doucement dans l'eau claire jusqu'à une profondeur de plus de 20 brasses. Alors, il toucha le fond et regarda en haut. Il aperçut au-dessus de sa tête comme un plafond d'azur transparent et liquide. Peu à peu, il distingua de la lumière au fond d'une balme qui s'ouvrait dans la roche. Il marcha vers ce point lumineux et se trouva soudain au milieu d'une ville. Chose singulière, cette cité bâtie sous l'eau ressemblait absolument aux villes savoyardes, sauf que les maisons humides et moussues semblaient construites depuis des centaines d'années. Elles dressaient, à droite et à gauche, leurs pignons dentelés, où béaient des fenêtres et des portes rongées de moisissures. Morisset s'engagea dans une rue silencieuse et déboucha sur une place plantée de vieux tilleuls. Sur l'un des côtés, un palais élevait sa façade de marbre et ses portiques soutenus par des colonnes de jaspe. Là, dans le silence, il entendit le ronronnement d'un rouet. Intrigué, il gravit les degrés du palais et vit, dans le vestibule, une jeune fille de 20 ans, très belle, qui faisait tourner un rouet de corail et tenait en main une quenouille chargée d'une bourre de soie verte. La jeune fille avait la peau blanche comme les pétales d'un lys d'eau et des yeux couleur d'aigue marine. Ses cheveux ondés, tombant librement sur ses épaules, étaient d'une nuance rare, très fin, et d'un vert argenté comme les feuilles de saule quand le vent les retrousse. « Bonjour, belle jeune fille, » dit bravement Morisset. « Bonjour, beau garçon, d'où viens-tu ? » « De la terre, là-haut. Et que fais-tu ici ? » « Je me promène. » « Mon pauvre ami, tu as mal choisi ta promenade. » Cette ville est au pouvoir d'une bête féroce à laquelle le roi, mon père, est lui-même forcé d'obéir. Chaque jour, on doit livrer à ce monstre une fille de 20 ans. C'est aujourd'hui mon tour, et sur cette place où tu viens de passer, la bête me dévorera ce soir. » Ce serait grand dommage, protesta Moriset. En même temps, comme il contemplait la princesse avec admiration, celle-ci leva ses yeux d'aigle marine. Leurs regards se rencontrèrent, et ils se sentirent incontinent pris de passion l'un pour l'autre. « Je t'aime, s'écria-t-il, et je te jure que la bête ne te mangera pas. J'y mettrai bon ordre. Pauvre cher, comment t'y prendras-tu? C'est mon affaire. Ce soir, quand la bête viendra, je serai sur la place et je lui servirai un plat de mon métier. » Tout en disant cela, Moriset aiguisait ses flèches sur le marbre humide de l'escalier. Le soir, quand la jeune princesse, très pâle et soutenue par son père désolé, traversa la place au milieu d'une foule angoissée, elle aperçut Moriset qui se dissimulait derrière un pilier et lui envoyait un tendre regard de réconfort. Au même instant, la bête dévoratrice sortit de l'ombre d'un portique et Moriset reconnut le serpent qu'il avait attaqué dans le verger de son père. L'un des yeux de la bête saignait encore de sa récente blessure. Le jeune homme banda son arc dans l'ombre et la flèche sifflante atteignit le reptile énorme qui s'avançait, gueule béante, pour dévorer la princesse. Il retomba en se tortillant sur les dalles et mourut du coup. Une joyeuse clameur de la foule salua le libérateur et le vieux roi, le serrant dans ses bras, lui offrit séance tenante la main de sa fille. Celle-ci, comme on pense, ayant déjà donné son cœur à Moriset, ne se fit pas prier. Les épousailles eurent lieu le soir même, et immédiatement après, le nouveau marié courut avec sa jeune femme à l'endroit où il avait laissé la corde, mais il ne l'y trouva plus. Son frère, là sans doute de l'attendre, s'en était allé après l'avoir retirée. Alors le roi commanda sur l'heure à des poissons volants d'emporter vers la terre le jeune couple installé au fond d'un grand coquillage. Toutefois, l'ascension ne se fit pas aussi rapidement qu'on l'espérait. Les poissons volants ne connaissaient pas bien la route, et ils mirent 3 jours avant d'atteindre la berge. Les amoureux, du reste, ne trouvaient pas le temps long. Couchés douillettement au cœur du coquillage, ils se mangeaient de caresses, et Moriset jurait à sa jeune femme de l'aimer toujours. « Mon tendre ami, disait Lilia, c'était le nom de la princesse, toujours est un bien gros mot. Je ne connais rien de la terre, je ne suis pas de même race que les gens de ton pays, et j'ai peur de déplaire à ta famille. Ne finiras-tu pas un jour par te lasser de moi ? » Il la faisait taire avec des baisers et recommençait ses serments. Ce fut ainsi qu'ils atteignirent le verger et la maison de Moriset, où on ne les attendait guère. Dans l'intervalle, Henriot avait annoncé partout la disparition de son cadet et s'était marié avec cette jolie Denise à laquelle son frère avait été primitivement fiancé. L'arrivée des jeunes époux surprit tout le monde. Cependant, on fêta le retour de Moriset et chacun fit bon accueil à Lilia, en apparence du moins, car on ne laissa pas de trouver bizarre cette épousée que le cadet rapportait du fond de l'eau, cette princesse aux joues pâles et aux yeux verts, qui semblait fort dépaysée dans la maison de ces braves bourgeois. Denise, surtout, bien que mariée à Henriot, ne pardonnait point à Moriset de l'avoir si vite oubliée et de lui avoir préféré cette fille aux mains et aux joues froides comme neige. Elle jalousait sa belle-sœur et la dépréciait sournoisement dans l'esprit de la famille. Pendant la première année, grâce à la violente amour de Moriset, les choses s'arrangèrent à souhait. Il y a mis au monde un fils qui ressemblait à son père, sauf qu'il avait des cheveux pareils à ceux de sa mère. « Ce ne sont pas des cheveux de chrétien, » s'écriait malignement Denise. Avec une adresse perfide, elle ne manquait jamais de relever devant son beau-frère les singularités de sa femme. Ainsi, quand on la contrariait, Lilia prenait d'orageuses colères, qui s'épanchaient au dehors avec l'impétuosité d'une eau bouillonnante au sortir de l'écluse. En outre, dans cette maison où tout était régulier et méthodique, où chacun avait sa tâche, elle passait oisivement de longues heures à rêver au bord du lac. Elle s'asseyait sur la berge avec son enfant sur les genoux et le berçait en chantant des paroles qui sonnaient étrangement aux oreilles des gens du pays. « Tastana, dors, Nani, mon enfant. Le roi du lac enverra ses poissons volants. il t'emportera dans son palais vert et te fera boire dans une tasse d'argent. » Quand Lilia revenait de sa promenade, Denise remarquait que la traîne de sa jupe laissait sur le parquet des traces humides. Un jour, sous prétexte d'examiner l'étoffe de la robe, elle en souleva brusquement le bord et constata que l'ourlet des jupes était mouillé. C'est le signe auquel on reconnaît les ondines, et bientôt elle répandit le bruit que son beau-frère avait épousé une fée du lac. Tout cela revenait aux oreilles de Moriset, qui ne pouvait s'empêcher d'en être mortifié, et insensiblement il se détachait de sa femme. Il trouvait maintenant Lilia par trop dissemblable des autres jeunes bourgeoises. Il comparait ses pâles joues froides aux joues roses, à la peau tiède et pulpeuse de Denise, et sa tendresse diminuait quand et quand. Lilia était perspicace. Il ne lui fallut pas longtemps pour deviner que le cœur de son mari était changé et qu'il regrettait de ne pas avoir épousé sa belle-sœur. Elle en ressentait un cruel chagrin, et plus que jamais elle se complaisait en ses promenades solitaires au long du lac. En regardant au fond de l'eau bleue, elle était prise d'une douloureuse nostalgie et se penchait comme invinciblement attirée par cette onde transparente où se jouaient des rayons de soleil. Un soir, en rentrant, elle entendit dans une chambre voisine Denise et Moriset qui parlaient à mi-voix. Elle s'approcha du seuil à pas de velours et vit son mari qui baisait Denise sur les lèvres. Alors, une violente colère monta en elle comme une tempête et elle s'élança hors de la maison. Les paysans qui revenaient des vignes ouïrent un soudain jaillissement d'eau dans le lac, et depuis, on ne revit plus Lilia, la princesse aux jupes mouillées, aux yeux d'aigle marine et aux cheveux couleur des feuilles de saule. Moriset, dit-on, se consola de son veuvage avec Denise. Néanmoins, de temps à autre, des remords le tourmentaient et lui causaient de cruelles insomnies. Le remords est une des influences subtiles qu'exercent à distance les absents pour nous forcer à penser à eux. Moriset, en dépit des caresses de Denise, sentait tout à coup son cœur frissonner au souvenir de la princesse aux jupes mouillées. Parfois, en ses brusques réveils, il croyait voir une forme blanche frôler les vitres, et il entendait, dans la chambre des enfants, une voix douce qui chantait « Tastana, dors, Nani, mon enfant. Le roi du lac enverra ses poissons volants. Il t'emportera dans son palais vert et te fera boire dans une tasse d'argent. » C'était Lilia qui, pendant les nuits de lune, revenait bercer son fils dans sa barcelonnette d'osier. Ainsi s'achève « La princesse aux jupes mouillées » d'André Theuriet.